Le château d'Epstein, chapitre 18. Le bonhomme Jonatas avait un cœur honnête et candide, mais son esprit, dénué de clairvoyance, n'était guère capable de deviner une passion cachée ou d'en prévoir et d'en arrêter les progrès. Everard devenu jeune homme et Rosemonde devenue jeune fille ne lui semblaient toujours que des enfants. Ils n'avaient pas, d'ailleurs, complètement tort, et leur innocence, nous l'avons dit, justifiait son aveuglement. Ils eussent été réellement frères et sœurs, selon les doux noms qu'ils se donnaient, plus qu'une pureté sincère n'eût pas été plus présente à leurs entretiens comme à leurs jeux. On leur eût demandé s'ils s'aimaient, qu'ils eussent répondu oui en toute candeur. Mais comme à Paolo et à Francesca, il devait suffire d'un hasard, d'un mot, pour leur révéler ce qui se passait à leur insu dans leur cœur. Ce hasard, Dieu l'envoya à l'heure marquée pour précipiter le dénouement de cette simple histoire. Un jour, le garde-chasse, en revenant de sa tournée dans la forêt, trouva à la maison une lettre. Cette lettre était de Conrad. Le compagnon de l'empereur, qui depuis 3 ans n'avait pas donné de ses nouvelles à Epstein, parlait peu de lui aux habitants de la chaumière et ne leur envoyait qu'un souvenir. D'ailleurs, il espérait sous peu aller les surprendre quelque matin. Il songeait toujours, dans ses courses glorieuses à travers l'Europe, à la pauvre petite famille abritée dans un pli du Taunus. Il leur disait à tous de bonnes paroles. Les seuls parents qu'il eût au monde maintenant, c'étaient eux. Au bivac, et quand les trompettes sonnaient la bataille, leurs souvenirs passaient devant son âme. Eux pensaient-ils, de leur côté, à l'absent? Jonatas le nommait-il parfois à la veillée? Les enfants priaient-ils Dieu pour lui? Son jeune Everard, son hôte et son compagnon, qui, après lui avoir fait les honneurs du château d'Epstein, l'avait accompagné à Mayence, était-il toujours sauvage, solitaire et rêveur? Ou bien, comme l'Hippolyte de Racine, s'était-il enfin apprivoisé? Voilà ce que demandait Conrad. Oh oui, certes, il est resté dans nos mémoires et dans nos cœurs, s'écria Jonatas tout attendri. Digne Conrad, comme c'est beau et bien à lui de ne pas nous avoir oubliés. À table, et nous boirons à sa santé, mes enfants. » Le brave Jonatas but, en effet, à dîner quelques rasades de plus qu'à l'ordinaire pour refaire fête au souvenir de Conrad. Et après avoir vidé 2 ou 3 fois son gobelet des dimanches, il se sentit le cœur tout épanoui et la langue toute déliée. On était à la fin de décembre. Le soir était venu pendant le repas. Au dehors, la neige tombait à gros flocons, mais un bon feu flambait dans la chaumière, et, comme on le sait, le coin du feu en hiver, quand le vent souffle au dehors, pousse au bavardage presque autant que le vin. Le repas fini et la table repoussée, Jonatas, les mains jointes, s'étendit sur un grand fauteuil de cuir verni. Les deux enfants s'assirent côte à côte, vis-à-vis de lui, sur un banc adossé au pied du lit, et l'on causa. Bien entendu que Conrad fut le sujet de la conversation. Jonatas était du même âge à peu près que son beau-frère, et l'avait connu tout enfant. Il parla de ses courses solitaires, de ses goûts sérieux, et peu à peu en vint à raconter comment il était devenu, lui comte d'Epstein, c'est-à-dire un des plus grands seigneurs de l'Allemagne, l'hôte de la maison du vieux Gaspard le garde-chasse et l'amant de Noémie la paysanne. C'était une histoire qui avait trop d'analogie avec la leur pour qu'Everard et Rosemonde n'écoutassent ce point Jonatas avec la plus grande attention. La chambre n'était éclairée que par la flamme du foyer, si bien que le garde-chasse, voluptueusement assis sous le haut manteau de la cheminée, se trouvait seul éclairé par le cercle lumineux. Les deux jeunes gens, tapis dans un coin, restaient cachés et perdus dans l'ombre. Sans savoir pourquoi, ils retenaient leur souffle et se sentaient émus comme à l'approche de quelque grave événement. Savez-vous, dit Jonatas d'un air fin, quand et comment j'ai commencé à m'apercevoir que Monseigneur Conrad aimait Noémie? C'est en remarquant par quel obstiné hasard ils se rencontraient toujours l'un l'autre. Noémie avait une petite chèvre blanche qu'elle menait brouter elle-même sur la lisière du bois. Eh bien, chose incroyable, quelque fût l'heure qu'elle choisit et quelque chemin qu'elle prit, on était toujours assuré de trouver sur sa route Monseigneur Conrad, qui, sans faire semblant de rien, se promenait un fusil ou un livre à la main. Il accostait alors négligemment Noémie, et voilà la conversation engagée. Quand ce n'était pas la chèvre, c'était une visite. Quand ce n'était pas une visite, c'était l'office du dimanche qui attirait Noémie dehors, et c'était toujours l'amour qui entraînait Conrad sur les pas de Noémie. Et dans ce temps-là où j'étais jeune comme eux, ma foi, il n'y avait pas grand mérite à découvrir qu'au fond, toutes ces promenades n'étaient que des rendez-vous. Everard et Rosemonde se regardèrent d'un mouvement subit, bien que l'obscurité les empêchât de se voir avec les yeux du corps. C'est qu'eux aussi, attirés par un invincible aimant, s'étaient bien des fois trouvés dans le même chemin, sans s'expliquer comment cela se faisait. Ils ne s'étaient pas prévenus, ils se croyaient seuls, ils pensaient l'un à l'autre, et tout à coup, au détour d'un sentier, au saut d'une haie, ils se retrouvaient tout joyeux, mais tout surpris en même temps de ce lien invisible, de cette sympathie secrète qui les rapprochait sans que leur volonté y eût part. « Je me rappelle encore, » continua Jonatas, « je me rappelle certains jours où le chien du père Gaspard tua d'un coup de dent la fauvette apprivoisée de Noémie. » L'enfant se mit à pleurer à chaudes larmes. Elle aimait beaucoup cette petite fauvette, qui s'en allait dans la forêt comme un oiseau sage et qui, au premier appel de sa jeune maîtresse, revenait chanter sur son doigt sa mélodieuse chanson. Conrad ne dit rien et s'en alla dans le taillis. Il revint le soir, ses habits en lambeaux et ses mains ensanglantées. Il était allé découvrir, tout au fond d'un fourré où mon chien Castor n'avait pas pénétré, un nid chantant de fauvettes qu'il rapportait à la désolée Noémie. C'était 5 oiseaux pour un, c'était l'avenir pour le présent. Les regrets de la petite se changèrent donc bien vite en joie, mais cet exploit de Conrad était si peu dans son caractère qu'en vérité, si Gaspard eût été moins aveugle... Rosemonde et Everard n'entendirent pas la fin de la phrase. Leurs mains s'étaient rencontrées et enlacées, car Rosemonde s'était... à ce moment-là même, souvenu d'une surprise que, de son côté, lui avait faite son frère Everard. Un jour, elle lui avait, sur un bout de papier, tracé le plan exact d'un petit jardin qu'elle cultivait elle-même autrefois au couvent et qu'elle regrettait beaucoup. Un jardin de 10 pieds carrés au moins et qui contenait un rosier de rose blanche, un groseillier, des fraises en abondance et une quantité innombrable de fleurs de la saison. Le lendemain, en se promenant dans le jardin de Jonatas, Rosemonde poussa tout à coup un cri de joie et de surprise. Un petit domaine, tout pareil à celui qu'elle avait laissé au tilleul sacré, fleurissait dans un coin charmant. En relevant la tête, elle aperçut près d'elle Everard, qui épiait son étonnement. Elle lui avait su d'autant plus gré de cette prévenance que c'était à peu près la première fois qu'Everard touchait à une bêche et à un râteau. Or, l'histoire de la fauvette avait, il faut l'avouer, bien de l'analogie avec l'histoire du jardinier. Et les deux enfants en étaient tout ravis et tout troublés. Rosemonde avait serré la main d'Everard comme pour le remercier encore du plaisir qu'il lui avait causé ce jour-là. Leurs mains brûlantes étaient restées jointes. Emportés dans une autre vie, ils croyaient assister à un rêve en écoutant ce que leur racontait Jonatas, repris, comme malgré lui, au puissant souvenir de la jeunesse. C'était de nobles cœurs, vraiment, poursuivit-il. Ils étaient purs comme des enfants du bon Dieu, et ce n'était pas leur faute, après tout, s'ils étaient jeunes et beaux, et s'ils s'aimaient. Moi, j'étais de leur âge à peu près, je recherchais en mariage ma bonne Wilhelmine, et je les comprenais mieux qu'ils ne se comprenaient eux-mêmes. Il arriva que Noémie tomba malade, non pas dangereusement, Dieu merci, mais le médecin déclara qu'elle ne pourrait de quelques jours sortir ni même quitter la chambre. Conrad n'avait aucune inquiétude à avoir, seulement il restait seul. Alors, il tomba dans une tristesse sombre dont rien ne pouvait le tirer. Je remplaçais déjà quelquefois Gaspard dans son emploi de garde-chasse. Eh bien, à chacune de mes courses, je rencontrais ce pauvre Conrad si navré, si désolé, que cela me faisait peine. Il cachait ses larmes quand il m'apercevait et ne voulait pas convenir de son chagrin avec personne ni avec lui-même. Aussi, quand je l'interrogeais avec toute la retenue que m'inspirait son rang et en même temps toute la paternelle tendresse que je lui portais, « Que veux-tu, mon bon Jonathas ? » me disait-il. « Je ne sais ce que j'ai. Je ne puis me rendre compte à moi-même du singulier malaise que j'éprouve. Tout me blesse, tout m'irrite sans motif. Et si je pleure, Jonathas, je te jure que c'est sans cause. » Voilà ce qu'il me disait, et je faisais semblant de le croire. Mais la vérité, c'est que je connaissais bien la cause de cette tristesse, et que j'aurais pu, s'il l'ignorait, la lui dire. Car moi aussi, j'aimais Wilhelmine comme il aimait Noémie, et j'avais été séparée de Wilhelmine. Si l'ombre où il se tenait abrité n'eût pas été si profonde, Everard et Rosemonde, qui souffraient déjà beaucoup, auraient souffert encore bien davantage. Car aux paroles du père, il se sentait 20 fois par minute rougir et pâlir tour à tour. En effet, un mois auparavant, Rosemonde avait été passée quelques jours à Spire, chez une cousine de son père, et à son retour, Everard lui avait raconté de quel ennui, de quel accablement avaient été remplies les longues journées passées loin d'elle, assurant que la jeune fille avait véritablement emporté son âme avec elle et qu'il avait pleuré des heures entières sans savoir pourquoi. « mon Dieu !» se disait-il chacun de son côté, « quand on est sans cesse attiré, sans cesse ramené l'un vers l'autre, quand on donnerait son bonheur et sa vie pour satisfaire à un désir exprimé, quand on ne se sent vivre et respirer que sous un regard, c'est donc qu'on s'aime ? Mon Dieu, ce mot de l'énigme que nous cherchions, c'est donc l'amour ? » Et tout un monde inconnu se révélait aux deux enfants émerveillés et éperdus. Ils brûlaient et frissonnaient en même temps. Leurs corps se touchaient, leurs mains ne s'étaient pas quittées. Ils auraient pu entendre les battements de leur cœur s'ils avaient pu écouter autre chose que leurs tumultueuses pensées. La nuit, cependant, était au dehors paisible et sereine. La brise qui fouettait la cabane avait cessé de souffler. La lune brillait au ciel balayé de nuages et plongeait quelques-uns de ses rayons à travers les gerçures des contrevents. La forêt semblait endormie. Le silence qui entourait Rosemonde et Everard finit presque par les épouvanter. Et comment Conrad et Noémie se sont-ils enfin entendus ? Demanda Everard d'une voix dont le tremblement apprit à Rosemonde que le jeune homme n'était pas moins ému qu'elle. Ils se sont entendus sans rien se dire, allez, dit le bonhomme Jonathas. Les amoureux n'ont pas besoin de mots pour parler. Quand je dis les amoureux, cependant, j'ai tort. Il ne faudrait pas pour certaines personnes se servir des mêmes termes que pour tout le monde. C'est vrai ce que je dis. Ils étaient si purs et si saints qu'ils me semblaient mariés quand ils ne l'étaient pas encore, et que j'ai toujours cru que le bon Dieu les avait unis avant le prêtre. Et puis, ils ont tant souffert depuis que la douleur et la mort ont épuré encore tous ces souvenirs sacrés. L'histoire de leur innocente et belle affection me paraît respectable comme la vie des martyrs et des saints, et quand j'y pense, c'est pour moi comme une seconde religion. Je les vénérais plus peut-être que je ne les aimais, et ce n'est pas peu dire. Ils savaient bien que je leur étais dévouée, et me regardant déjà comme de la famille, ils m'avaient pris pour confident. Oh, comme ils me parlaient avec attendrissement et douceur l'un de l'autre. Or, Noémie a raconté à sa sœur Wilhelmine, qui me l'a raconté elle-même quand elle a été ma femme, qu'un jour, ils étaient seuls assis sur le même banc et la main dans la main. Ils lisaient, je crois, un livre. Mais le seul livre qu'ils lussent en réalité, c'était celui de leur cœur. Si bien que, sans savoir comment cela se fit, leurs haleines si pures se mêlèrent, leurs lèvres, leurs douces lèvres se rapprochèrent, et, ma foi, ils se dirent ainsi, sans une parole, ce que, du reste, ni l'un ni l'autre n'avait plus depuis longtemps à apprendre, c'est qu'ils s'aimaient. Et tandis que Jonathas parlait ainsi dans la candeur de son âme et dans la pureté de sa pensée, Everard et Rosemonde, les mains pressées, les âmes confondues, se serraient l'un contre l'autre, enivrés, haletants, cachés par la nuit. Nul ne les voyait, ils ne se voyaient pas eux-mêmes. Le bras du jeune homme était passé derrière le corps frémissant de son ami, et Rosemonde, Rosemonde elle-même, entraînée par une fascination irrésistible, n'avait plus ni force ni pensée. Leurs cheveux en ce moment se touchèrent, leurs haleines se confondirent, leurs lèvres se rapprochèrent toutes tremblantes, leurs bouches s'unirent. Mais ce baiser, leur premier bonheur, n'eut que la durée d'un éclair. Effrayés d'eux-mêmes, ils se reculèrent précipitamment. Puis, comme s'il n'eût attendu que ce moment, « Allons, allons, enfant, dit le garde forestier, le feu s'éteint, séparons-nous. Il est l'heure, vous, monsieur le comte, de regagner le château, et toi, Rosemonde, de rentrer dans ta chambre. » La voix du garde forestier réveilla les deux enfants de leur extase et les précipita du paradis sur la terre. Tous trois se levèrent alors. Everard et Rosemonde étaient si étourdis et si tremblants qu'ils furent obligés, pour ne pas tomber, de s'appuyer l'un sur l'autre. Après quelques mots et un serrement de mains échangés, ils se séparèrent, Jonathas bien tranquille et rêvant au passé, Rosemonde et Everard, bien émus et rêvant à l'avenir. Comme leur cœur battait, aux deux pauvres ingénus, comme leurs haleines étaient précipitées, comme on eût dit qu'ils venaient de courir vite et longtemps. Et en effet, n'avaient-ils pas parcouru bien vite un bien long chemin sur cette pente rapide de la jeunesse qu'on appelle l'amour? Voilà comment Everard et Rosemonde apprirent ce qui se passait dans leurs âmes. Le destin semblait vouloir se servir de l'histoire ébauchée des amours de Conrad et de Noémie pour continuer dans leurs neveux l'histoire de leurs amours. À quel dénouement terrible cette histoire était-elle destinée? Nous l'avons dit, Dieu seul le savait.